Et comme chaque week-end, nous avons notre rendez-vous dans Bleu Nature avec Jean-Michel Maman, le directeur de la rédaction de Balado. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Cyril. Bonjour et bienvenue. Nous allons partir découvrir une nouvelle région avec une nouvelle activité. Nous partons en Rhône-Alpes aujourd'hui pour pratiquer de l'amphicard. Voilà, comme moi, novice, je ne sais pas. C'est quoi ? Eh ben, en fait, quand on va faire un petit tour sur terre et sur l'eau. Donc, on va aller à la rencontre d'Alain Roland, qui est quasiment le seul, je crois même le seul en France, à pratiquer l'amphicard. C'est-à-dire qu'on va monter à bord d'une voiture des années 60 pour aller se jeter dans l'eau. Elle est amphibie, donc Elle est tout à fait amphibie. Elle flotte, on flotte sur l'eau. Donc, c'est une balade qui dure une bonne heure. On parcourt 4 km et puis ça allie une petite promenade sur terre et sur l'eau. On alterne. C'est sur le Rhône ? C'est sur le Rhône. C'est vraiment dans des endroits qu'Alain Roland organise en fonction de ses envies, du jour, de la météo, etc. D'accord, il n'y a pas de départ fixe en fait. Il n'y a pas de point de départ fixe. Il faut se renseigner. Il y a quand même un départ qui est à Montalieu-Versieux, donc où il réside. De là, il dirait qu'il improvise un peu. Pour le déjeuner aussi, il vous arrête où vous voulez. Donc c'est une balade assez libre, c'est vraiment original. On sait qu'on va faire un grand plongeon, mais ça surprend toujours. Alors l'amphicard, donc cette voiture qui va sur l'eau, c'est équipé de quelle manière ? Il y a des pneus, plus des espèces de pales comme pour les pédalos ? Non, c'est vraiment le look d'une voiture. Il y a les pneus, évidemment. Pour l'avoir vu, il ne décélère pas. C'est-à-dire que de la terre sur l'eau, il va à la même vitesse, il rentre à fond la caisse. Et ensuite, je pense qu'il y a une autre mécanique qui prend le relais, mais personne ne pédale, c'est pas un pédalo. Hein. Alors on peut pratiquer cette activité à combien de personnes ? Alors jusqu'à 4 personnes. Bon, c'est un petit peu cher, c'est 120 € de l'heure, mais pour 3 adultes. Ah oui, pas par personne. Voilà, ou bien 2 adultes, 2 enfants, c'est jouable aussi. On fait aussi bronzette en fin de parcours allongée sur le capot, c'est jouable, c'est vraiment assez libre. Ça a rappelé des souvenirs. Donc on peut faire bronzette allongée sur le capot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de compris à part la balade? Il faut emmener quand même, justement, si on s'arrête pour boire un verre, faire une petite pause pique-nique de 5 minutes, il faut amener tout ça? On peut amener ça, mais sinon Alain vous emmène dans un bar, un snack ou un restaurant sur la route, selon vos envies. Ce qui est aussi original, c'est qu'on peut s'aventurer à faire cette balade la nuit. Donc des balades nocturnes en amphicard, c'est pas mal sur l'eau aussi. Ça doit être très surprenant comme type de véhicule. Alors, je ne savais même pas que ça existait à l'origine. Donc, ça se pratique toujours. Oui, c'est pas mal développé aux États-Unis. Pour ma part, j'en ai vu un passer l'autre jour sur la Seine, mais c'était un particulier qui avait son amphicard également sur la Seine. Donc, on ne va pas dire que ça se développe, puisque j'en ai vu que deux en France. Mais... je connaissais que l'hydroglisseur qui pouvait à la fois aller sur terre et sur l'eau, mais donc là, avec l'amphicard. Donc, une belle balade à découvrir donc en région Rhône-Alpes, sur le Rhône. Donc, pour les renseignements, on va sur votre site balado.fr. Balado.fr, donc bateau à moteur sur le Rhône. Et on trouve tout ça. Merci Monsieur Maman. Et puis n'oubliez pas d'avoir tous les renseignements également sur francebleu.com. Merci beaucoup et à demain. Bonne balade.